Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées les 12 et 13 juillet dans divers pays. L'agence de presse d'internet russe VL.ru, la télévision satellitaire Phoenix, les journaux Takongbao et Wenxibao de Hong Kong et le réseau de l'information du nord-est de Chine, le journal sénégalais Le Populaire, les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études du kim-il-sunisme, kim-jong-lisme et du Comité national d'études des Ejiduce du Congo démocratique ont présenté son inspection de la fabrique de cuir synthétique de Pyongyang. Le journal chinois Liaoning Shimbun a informé de sa rencontre avec l'envoyé spécial du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et sa suite.